Vienne, j'ouvris les yeux sur la question juive. Dès le premier jour, je les ai vus, je les ai scrutés. 2 millions d'âmes dans la ville, 500 000 juifs. Partout je les voyais, mon regard les perçait. Le ton, l'accent, les gestes, tout frappait en pleine face. Leur ombre glissait, leur ombre me suivait. Ils ne marchent pas comme nous, ils ne rient pas comme nous. Ils ne parlent pas comme nous, il a une odeur, une voix. Une façon de se tenir, de regarder, de se taire. Il est autre, il est autre, il est autre. Et puis vint le jour où je compris dans une rue de Vienne, un homme en cafetan noir, papillote au vent. Est-ce un juif, je me dis, comme à l'aise on ne voyait pas. Et une voix intérieure hurla, oui, c'est un juif. Et je fus pris de dégoût, une nausée, une horreur. Comme un ver, un parasite, une chose pas humaine. Il ne marche pas comme nous, il ne rit pas comme nous. Il ne parle pas comme nous, il a une odeur, une voix. Une façon de se tenir, de regarder, de se taire. Il est autre, il est autre, il est autre. Et je commençais à lire journaux, pamphlets, grimoires. Plus je lisais, plus je voyais clair dans leur nuit. Le juif n'est pas un homme, c'est l'ennemi, le destructeur. Le poison dans nos veines, le poison dans nos cœurs. Et je compris ma mission divine. Combattre l'hébreu, c'est l'œuvre du Seigneur. Il ne marche pas comme nous, il ne rit pas comme nous. Il ne parle pas comme nous, il a une odeur, une voix. Une façon de se tenir, de regarder, de se taire. Il est autre, il est autre, il est autre.